2023, activation orale. Apprentissage. Répondez selon les exemples. Vous entendez? 1. Robert sait lire. Et vous répondez? Oui. Et il a appris à lire tout seul. Ou bien vous entendez? 2. Robert sait le français? Et alors vous répondez? Oui. Et il a appris le français tout seul. Allons-y. 3. Robert sait jouer du violon? Oui, et il a appris à jouer du violon tout seul. 4. Il sait jouer aux échecs? Oui, et il a appris à jouer aux échecs tout seul. Sans blague. 5. Il sait l'anglais? Oui, et il a appris l'anglais tout seul. Et vous, vous savez l'anglais? Mais oui, et j'ai appris l'anglais toute seule. 7. Vous savez le français? Ouais, et j'ai appris le français toute seule. 8. Vous savez conduire? Bien sûr, et j'ai appris à conduire toute seule. 9. Et Robert, il sait conduire, lui? Oui, et il a appris à conduire tout seul. 10. Vos enfants savent nager? Et ils ont appris à nager tout seuls.